Attention, message personnel. Panique au Mangin Palace. Je répète, panique au Mangin Palace. Haha, nous revoilà. C'est donc la panique en direct du Mangin Palace, épisode 14. Si tu nous rejoins pour la première fois, sache que nous t'embarquons maintenant dans un voyage étrange au cœur d'un monde intergalactique et foutraque. Bienvenue à bord de ce vaisseau spatio-temporel. La machine est prête et le cadran interstellaire nous indique dimanche 11 décembre 2005, 11h05. Bonjour à toi, l'ami. Cette semaine, dans Panique au Mangin Palace, tu es souterrain, tu es porte de la chapelle, tu es ligne 4, tu es carte orange et tu es aussi... Oui, tu l'auras compris l'ami, ce matin, nous nous engouffrons dans le métropolitain. Demain s'achève le Salon Nautique de Paris à la Porte de Versailles. Depuis 10 jours, des milliers de visiteurs, parisiens ou provinciaux, ont emprunté le métro pour aller jeter un œil à cette exposition de bateaux. Moyen de transport urbain et souterrain, le métro est également un monde parallèle englouti où il se passe des tas de choses révélatrices de la société dans laquelle on vit. Alors, à quoi ressemble exactement cet univers sous la Terre qu'est le métropolitain ? Eh bien, dans l'heure qui vient, nous allons tenter de te raconter une histoire illustrée, mais décalée. Pour commencer, il faut se souvenir que le métro possède une mémoire riche de plus d'un siècle. Ensuite, tu découvriras que certains groupes de rock devenus célèbres ont débuté leur carrière dans le métro. Interview tout à l'heure de Joseph Dahan, bassiste de la Mano Negra. Puis, on te proposera une balade subjective dans les couloirs du métro parisien. Et enfin, te raconter comment Monique et Jean-Claude se sont paumés dans le métro l'année dernière à Noël pour aller de la gare Montparnasse à la gare de Lyon. Une seule mission, tenter de chahuter tes zygomatiques. On est dimanche matin, on est bien et le décollage est imminent. Allez, c'est parti, c'est la panique au Mangin Palace, alors bien sûr, monte le son et mind the gap. She won't. Ticket to Ride, les Beatles dans l'album Help en 1965, parce que to take a ride ou pour prendre le métro, eh bien, il te faut un ticket. Alors, pour commencer notre aventure plus souterraine qu'aérienne dans le métro, nous allons nous intéresser à l'origine de ce projet totalement utopiste, faire circuler des millions de personnes dans des trains sous terre, dans des mondes engloutis. À la fin du 19e siècle, l'engorgement des villes en pleine révolution industrielle rend urgent la mise en place de nouveaux moyens de circulation. La solution, c'est un réseau de chemins ferrés urbains, le métropolitain, le métro. Londres se dote d'un métro en 1863, New York en 1868. À l'époque, Paris n'a toujours pas de métro. Comment expliquer ce retard ? Tout simplement parce que jusqu'alors, l'État et la ville de Paris n'avaient pas réussi à se mettre d'accord. L'État voulait créer un réseau urbain qui prolongerait la ligne de banlieue. Comme c'est le cas à Londres, la ville de Paris, elle, voulait un métro indépendant. Les discussions sont vives entre la municipalité et l'État alors que s'approche l'exposition universelle de 1900. Le monde entier risque de constater que la capitale de la France n'a pas de métro, la Louse. L'État finit par céder et autorise Paris à construire son métro. Les travaux commencent en 1898 et la première ligne, Porte Maillot-Vincennes, est ouverte 2 ans plus tard, en 1900. Pour mieux comprendre ce qu'a été cet énorme chantier, le mieux, c'est d'écouter le père du métro, l'ingénieur qui supervisa la construction, Fulgence Bienvenue, enregistré par les Actualités cinématographiques Gaumont en 1932. Le métropolitain de Paris, dont, après bien des péripéties, le conseil municipal décida la création en 1896, fut entrepris en 1898. Il se révéla par la première ligne ouverte le 19 juillet 1900 à l'occasion de la grande exposition universelle. Dès les premiers jours, la foule des voyageurs s'y précipita et elle lui est restée fidèle, attiré par les avantages de ce nouveau moyen de transport rapide. Ainsi, le 19 juillet 1900, après des années de discussions entre l'État et la ville, Paris se dote enfin d'un métro. Le fait d'avoir attendu tant d'années et d'avoir pris du retard sur d'autres capitales européennes, comme Londres ou Budapest, permet à Paris de se doter du meilleur de la technique, à savoir l'électricité. Le 19 juillet 1900, jour de l'ouverture du métro au public, il n'y a pas d'inauguration et, paradoxalement, peu de Parisiens descendent dans les souterrains. Heureusement pour nous, le jour de l'ouverture, Madame Varal a pris le métro et le raconte en 1956. Madame Varal a été de ces curieux ou de ces courageux et qui ont pris le métro le jour même de son inauguration, n'est-ce pas ? Courageux, oui, parce qu'il courait dans Paris des bruits terrifiants, que les voûtes devaient dégringoler, qu'il y aurait des accidents affreux. Et très peu de Parisiens se sont risqués ce jour-là, justement parce qu'ils avaient un peu peur. Vous rappelez-vous la date de l'inauguration ? Le 19 juillet. C'était le jour de mon anniversaire, monsieur. C'est pour ça que je me rappelle si bien. Où avez-vous pris le métro ? À quelle station ? À l'hôtel de ville, monsieur. Nous étions toute une bande de jeunes qui étaient venus déjeuner chez moi. Et nous avons été jusqu'à l'hôtel de ville. Nos parents nous avaient défendu expressément de le prendre. Mais comme nous avions avec nous les cousins qui arrivaient d'Amérique, ils nous avaient soufflé le vent de l'indépendance américaine. Et nous étions sortis tous ensemble. Ils ont pris le métro à l'hôtel de ville. Je vous avoue qu'il faisait un temps splendide ce jour-là, en descendant dans ces voûtes, qui étaient glaciales, toutes sombres. Ce que je me rappelle, c'est qu'il y avait une odeur épouvantable dans le métro. Une odeur d'antiseptique, une odeur de goudron, une odeur affreuse. Le quai était noir, il y avait fort peu de lumière, et le wagon est arrivé, il n'y avait personne. Nous avions pris les premières, naturellement, je crois que ça coûtait 25 centimes, et nous avons hésité jusqu'à Vincennes. Alors, en voyant le ciel bleu, en sortant dans ce bois de Vincennes si beau, nous avons poussé un soupir de soulagement en disant « Mon Dieu, le soleil est tout de même plus beau que la cave, parce que c'était une véritable cave !» Oui, le métro était une véritable cave qui a connu un succès rapide. Dans les mois qui suivent l'ouverture, des millions de personnes empruntent le chemin de fer métropolitain. Le métro, c'est un changement énorme pour Paris. Déjà, les travaux de construction gênent la circulation. Le métro est souvent construit suivant le tracé des grandes artères. De profondes tranchées sont creusées et fermées par des voûtes. Les chansonniers s'en donnent à cœur joie. Je vais avoir le plaisir de vous chanter le trou de mon quai. Petite chansonnette métropolitaine. Y'a un quai dans ma rue, y'a un trou dans mon quai, et vous pourrez contempler le quai de ma rue et le trou de mon quai. La vie des Parisiens est profondément changée avec l'arrivée du métro. On ne se déplace plus de la même manière et la perception de la ville elle-même en est modifiée. La première fois que dans un quartier le métro vint à passer, c'est pour les habitants un vrai ahurissement. Les maisons se mettent à trembler, les meubles à gigoter, pendant que les suspensions se balancent au plafond. Commissaire qu'on va voir, vous répond plein d'espoir. C'est le métro qui passe juste au-dessous de la maison. Faut pas que ça vous tracasse, c'est une simple trépidation. Et même chose inouïe, si ça vient à dégringoler, vous êtes tout près d'une pharmacie et le cimetière est à côté. Le métro entre rapidement dans le quotidien des Parisiens. Mais le métro des origines n'est pas celui d'aujourd'hui. Les couloirs et les quais sont peu éclairés et l'accès au train nécessite, aux heures de pointe, de faire de longues queues. Car pour arriver au quai, il faut passer devant un personnage mythique. Je suis le poinçonneur des lilas, pour un valide changé à opéra. Je vis au cœur de la planète, j'ai dans la tête un carnaval de confettis, j'en amène jusque dans mon lit. Et sous mon ciel de faïence, je ne vois briller que les correspondances. Parfois je rêve, je divague, je vois des vagues. Et dans la brume au bout du quai, je vois un bateau qui vient me chercher. Pour sortir de ce trou, je fais des trous, des petits trous, toujours des petits trous. Mais le bateau se taille et je vois que je déraille. Et je reste dans mon trou à faire des petits trous, des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous, des petits trous, des petits trous, des petits trous, des petits trous. Des petits trous, des petits trous à l'heure de la carte orange et du pass électronique Navigo, qu'il est bon de se souvenir des petits métiers disparus. L'exploitation du métro est confiée en 1900 à la Compagnie du Métropolitain de Paris, la CMP. Une autre compagnie privée, le chemin de fer électrique Nord-Sud, exploite en 1905 deux nouvelles lignes. C'est la concurrence des tunnels. Le métro entre donc dans la vie quotidienne et devient même durant la Seconde Guerre mondiale le mode de transport dominant à Paris. À l'été 44, après le débarquement allié et les combats pour la libération de Paris, le métro est fermé quelques mois. La réouverture du métro en septembre 44 est alors un événement. Peu à peu, Paris reprend la physionomie qui lui était habituelle. Aujourd'hui, grâce à M. Robert Lacoste, ministre de la production industrielle, le métropolitain rouvre ses portes, ses rames sillonnent à nouveau le sous-sol de la capitale. Les Parisiens qui pestaient contre leur métro sont bien heureux de le retrouver. Pour se rendre à leur travail, en 1944, ils employaient des modes de locomotion vieilles de plus d'un siècle. Fourragères, carrosses, coches ou diligences, souvent tirées par un percheron qui avait mérité la retraite. Il ne manquait que les fiacres de l'urbaine, jaunes avec un cocher blanc, comme le chantait Xanrof. Les plus débrouillards faisaient de l'autostop et l'élément féminin ne dissimulait pas sa fierté en arrivant à la porte du bureau en une Jeep à côté d'un chauffeur américain. Une fois les Américains partis, il faut réorganiser le métro. La compagnie du chemin de fer métropolitain de Paris fait partie des dernières vagues de nationalisation. En 1949 est créée la Régie autonome des transports parisiens, la RATP. Après-guerre, durant les Trente Glorieuses, le métro devient un des symboles de la société de consommation qui se met en place. Pierre Béarn, dans un poème distribué à l'Odéon en mai 68, écrit sa célèbre paronomase qui devient slogan métro, boulot, dodo. Le métro comme symbole du stress urbain et de la course contre la montre des citadins. Le métro ferme à 1h du mat, le métro ouvre à 6h du mat, Monoprix ouvre à 10h, Monoprix ferme à 20h, les enfants partent à 8h, les enfants reviennent à 16h, le repas commence à 20h, on débarrasse à 20h30, je suis borderline, t'es borderline, il est borderline, nous sommes borderline. Borderline de métro dans le stress de la ville, car le métro est réputé pour sa concentration d'humains à l'air sévère et à la mine fermée. Le métro de Paris est donc né en 1900, il a bien changé et a fait des petits. À Marseille et à Lyon dans les 70s, à Lille en 1983, à Toulouse en 93 et enfin à Rennes en 2002. Le métro comme moyen de transport, c'est loin d'être obsolète. Aujourd'hui encore, le métro est en vogue. À guerre, les concierges étaient en vogue. Désormais, on les a remplacés par des digicodes. Dans ma ville, il n'y avait pas de parc-mètre. Je voyais des ouvriers manger des sandwichs à l'omelette. Le passé me revient comme un bill. Ok, la présence d'un passé omniprésent n'est pas passée. Les halles supplantées par le coste. L'allégorie des Madeleines file à la vitesse de Proust. L'air y était pur, Paris plus beau. Désormais le ticket de métro augmente comme le nombre d'auto. Oh shit, à la télé y'a plus de speaking. Y'a des films de série B que j'estime à 15 centimes. Les têtes nous plaquent, ces films de 3 pieds 7 que je mate, mais mon intellect constate qu'ils sont obsolètes. Obsolète, mais stylé, la phrase qui suivra. L'homme qui capte le mec et dont le nom possède double à la variété statique solaire, l'arbalète qui pique cette zique solité à little elite. Qui élabore depuis des décennies une main basse sur mon art pour qu'il avance au ralenti. Mais le grand Manitou, Manitou, t'inquiète, il démasque la musique à masquer la place en hypothèque. Puis inscrit en italique sur son agenda le top des trucs qu'il n'aime pas. Bref, pour être clair et net, le ventricule s'accompagne de l'oreillette. Comme à mes oreilles, la variette sa coquine rime avec pop soleil. Obsolète est aussi l'allumeuse qui portait des barésies et empestait le patchouli. Pour des services rendus, elle me dit je te paye en nature et je reste stoïque quand elle me tend des confitures. Ceci est oublié quand au mois de décembre, elle me téléphone et me dit passe me prendre. Bref, j'en abuse avec délectation. Douce comme de l'hydromel, je suis en affection. Puis me glisse, m'immisce entre les cuisses lisse de la miss, ses yeux se plissent et elle dit stop ton vice. Je suis comme une balle, elle joue le rôle d'une raquette. L'endormeuse, allumeuse, se prend pour une starlette. Message que dans les cinémathèques, t'es presque calipette. Des huettes sont classées dans les séries B au rayon obsolète. Obsolète, c'est ce que chante MC Solar en 1994 sur son album Prose Combat. Son nom, il le tient de l'époque où il signait Solar avec des bombes de peinture sur les murs du métro. Alors pour continuer notre voyage dans les méandres du métropolitain, après t'avoir raconté son histoire, il est temps maintenant de te dresser une galerie de portraits des personnages que tu peux rencontrer dans les wagons ou sur le quai. Tout d'abord, il faut rappeler que le métro est un lieu de vie où se croisent par exemple à Paris plus de 3 millions de personnes par jour. Ça en fait du monde dans ce métro et du coup, c'est aussi un business monumental. Alors, bien entendu, il faut contrôler que tout le monde passe bien par la caisse pour la remplir. Ainsi, pour vérifier que tu n'es pas en infraction, circulent sur les quais et dans les wagons des équipes de contrôleurs. Les deux transports, s'il vous plaît. En général, ils sont au moins 14, ils se planquent à la sortie d'un couloir et quand tu tombes dessus, c'est trop tard. Tu as juste le temps de te demander si sur toi... T'as le ticket chic, ticket ticket chic. T'as le ticket choc, ticket ticket choc. Ticket ticket toc, tic tac toc. Ticket ticket choc. Ticket ticket choc, tic tac toc. Ticket ticket toc. Ticket ticket toc, ticket ticket ticket toc. Ticket ticket ticket toc. T'as le ticket stop. Si tu n'as pas le ticket chic, tu paies le ticket choc, autrement dit la grosse prune. Au passage, parmi ceux qui ont accès à la gratuité du métro, on trouve entre autres, référencés sur le site de la RATP, les amputés des deux mains. Mais non accompagnés, nous dit-on, tu m'étonnes. Cela dit, au milieu des passagers, figure-toi qu'il n'y a pas que des manchots. Quand le métro, dans un chaos, l'un contre l'autre nous jette sous votre nez. Je prends la monnaie, je suis pickpocket. Alors, pour l'instant, entre les pickpockets et les contrôleurs, nos personnages du métro ne sont pas franchement sympathiques. Mais heureusement, les métros du monde entier sont également des lieux de créations urbaines alternatives dont on peut tomber amoureux. Le métro de New York, c'est un moyen de transport très spécial, si l'on peut dire, à la fois inquiétant, car il y a de nombreuses agressions, et très branché en raison des graffitis, dessins et autres peintures qui le décorent. Le cinéaste François Reichenbach n'a pas caché à Philippe Royer qu'il en était tombé quasi amoureux. C'est à cause du métro new-yorkais que je suis devenu cinéaste. Quand j'ai découvert New York, j'ai acheté une caméra pour filmer ce fameux métro new-yorkais. Bon, à quoi ça ressemble? Ça a d'abord évolué. Avant, c'était un personnage de couleur unie qui paraissait assez moderne. Dans les années qui ont suivi, moi c'était en 55, j'ai senti que le métro allait complètement à l'abandon. C'était devenu une espèce de poubelle bruyante, le contraire du métro soviétique. Et puis tout d'un coup, à l'époque des hippies, il s'est trouvé plein de couleurs. C'était un endroit d'inspiration pour les peintres, les artistes et tout ça. Donc je suis retombé amoureux du métro de New York. Oui, certains graffitis du métro peuvent être d'authentiques œuvres d'art et qu'on le veuille ou non, ils ne doivent pas tous être considérés comme des actes de vandalisme. Les graffitis sont parfois l'émanation d'une culture urbaine intéressante qui n'a pas à avoir honte de son mode d'expression. Qui oserait dire aujourd'hui que Jean-Michel Basquiat, artiste génial et tagueur du métro new-yorkais, était un vandale ? Personne, bien entendu. Et puis, parfois, tu croises dans les couloirs du métro des personnes incroyables, des rencontres tellement c'est dingue que même t'y crois pas, comme ce 4 novembre 1993. La visite surprise d'Edouard Balladur hier soir dans le métro parisien. Il a voulu vérifier par lui-même l'efficacité des dispositifs de sécurité mis en place par la RATP. Pour cela, le Premier ministre s'est rendu à la station d'Enfer-Rochereau. Le reportage de Dominique Delarroy. Debout, appuyé à la barre métallique, complet gris et cravate bleue, Edouard Balladur a joué hier soir pendant près d'une heure les voyageurs ordinaires des heures de pointe. Après avoir visité à Denfert-Rochereau le siège du service de protection et de sécurité du métro, et puis vu le système de télésurveillance qui équipe 4 des stations les plus chaudes de Paris, Edouard Balladur s'est engouffré dans le RER, au grand étonnement des passagers. C'est un homme comme un autre, quoi, après tout. Enfin, dans le métro, on le voit pas souvent, certainement. Ah, c'est Balladur, je crois, non, c'est pas lui. Ah, dur, hein, Balladur. Hein. On le voit dans le métro et tout, qu'est-ce qui lui arrive ? Hein ? Il a changé d'idée ou quoi ? Dur pour Balladur. D'ailleurs, il n'y est jamais retourné depuis dans le métro. Et cela, pour deux raisons. La première, tout le monde le sait, c'est parce qu'il a trouvé à l'époque qu'il y faisait très chaud. La seconde, moins connue, c'est parce qu'il a dû ce jour-là se confronter à la misère sociale du métro et qu'il a vécu une expérience difficile, une drôle de rencontre qu'il a racontée le soir même à son épouse. Plus tard, dans le métro, il y a un char clos qui traîne. Il me raconte toute sa vie, il me dit qu'il vient de Rennes. Ensuite, il me dit qu'il pue, qu'il faudrait qu'il se baigne. Je lui dis, jette-toi dans les coups, t'arrives direct dans la Seine. Il m'a fait bouge de là. Bouge de là. Bouge de là. Exaspéré par la répétition de ce tutoiement à son égard, Edouard dans le métro, en un instant, avait su trouver les mots justes pour morigéner ce clochard effronté. Je vous demande de vous arrêter. Je vous demande de vous arrêter. C'est toujours un bonheur de le réentendre. Alors quittons maintenant Monsieur Balladur et dirigeons-nous vers le témoin de la semaine pour compléter notre regard sur l'univers du métropolitain. Nous avons joint avant-hier au téléphone un type qui sait jouer de la musique et qui a débuté dans le métro, à savoir Joseph Dahan, le bassiste de la Mano Negra. Pour commencer, nous lui avons demandé pourquoi ils avaient choisi le métro pour débuter leur carrière. Réponse juste après le jingle. C'est cadeau VIP, 100% VIP. Ça le fait, ça le fait, ça le fait, ça le fait. Le métro, c'est un moyen de survie quoi, pour nous. On allait jouer dans le métro et donc ça nous permettait, après d'aller manger au foyer africain au Père Lachaise. Oui. Pour 7 francs, on avait un mafé ou un yassa et pour 10 francs 50, c'était un poisson avec des frites. Et donc le métro, c'était un moyen de survie, puis ça nous a permis de répéter, de jouer 8 heures par jour parfois, quoi. Donc en fait, on a fait des super progrès. C'est génial parce que t'as une salle de concert tous les jours. Nous, on jouait dans les wagons, on faisait pas les couloirs dans le froid, on n'avait pas le macaron de la RATP, quoi. C'était pas homologué, on était un groupe de rock. On rentrait dans les wagons et on jouait, on faisait des sketchs, on s'est éclaté, c'était génial. Donc pour vous, le métro, c'était grosso modo à la fois un moyen de survie et un lieu de déconne. Mais est-ce que tu as le souvenir d'une anecdote particulière de cette époque-là dans le métro ? Un jour, on descend à Breguet-Sabin, qui était un peu notre station fétiche, parce qu'en fait, on jouait. Quand on avait un petit peu de monnaie, on allait au studio Campus qui était à côté de Breguet-Sabin. On prenait, et puis après, on allait répéter en studio. Quoi. Ouais. Enfin, on n'arrêtait pas de jouer. Et un jour, on s'arrête sur le quai à Breguet-Sabin. Et en face, il y a un métro qui évacue tous les passagers. Du coup, on s'est retrouvé devant 200 ou 300 personnes d'un coup. On s'est mis à jouer. Et là, tu avais les gens qui nous envoyaient des pièces. Il pleuvait, il y avait une pluie de pièces de monnaie. Avec applaudissements, c'était notre premier triomphe. Est-ce que ça fonctionnait pour la drague ? Par exemple, est-ce qu'il y a des filles qui trouvaient ça assez séduisant d'avoir des mecs qui jouent dans le métro ? Quand t'es quand même dans la galère, en général, ça attire pas trop les filles, la galère. Il y avait une fille qui était... Je me souviens, il y avait une punk qui était montée dans le wagon, qui nous embrassait, qui fumait des clopes, et qui disait « C'est super ce que vous faites, c'est génial ça !» Puis on jouait, puis du coup, elle faisait peur un peu à tout le wagon, et personne donnait. Alors au début, ça nous plaisait, puis à un moment, on s'est dit, mais elle est en train de nous faire louper la matinée, là, la manche, faut qu'on se débarrasse d'elle, quoi. Du coup, on l'a larguée à République, on s'est tous enfuis, sauf un qui n'avait pas capté le plan, et on l'a retrouvé 3 stations après avec du rouge à lèvres partout. C'était Joseph Dahan, bassiste de la Mano Negra, pour la panique au Mangin Palace. I'm track as deep fog and rain. Time don't fool me no more. I thought my watch to the floor was so lazy. Time don't do it again. Now I'm stressed and strained with a hanger and pain. In the subway train, long gone the rendezvous. Time had a fool out of me. Oh baby, can't you see? So time to tragedy. Girl, we'll wait for the out of time man. Time don't fool me no more. I thought my watch to the floor was so lazy. Time don't do it again. Now I'm stressed and strained with a hungry pain in a subway train. Long gone the rendezvous. Time had a fool out of me. Oh baby, can't you see? So turn the tragedy. Think it's 9 o'clock, says Dan. This girl would wait for the out of time man. Long gone the rendezvous. Time had a fool out of me. Oh baby, can't you see? So turn the tragedy. Long gone the rendezvous. 9 to 3. Time had a fool out of me. 9 to 4. Oh baby, can't you see? No use in waiting no more. So time to tragedy. 9 to 2. Long gone the rendezvous. Out of Time Man, la Mano Negra sur l'album King of Bongo en 1991. Out of Time Man, un homme à court de temps parce que quand tu as un rendez-vous amoureux, le métro, il ne va jamais assez vite. Pour Clémenceau, le meilleur moment dans l'amour, c'est quand on monte l'escalier. C'est très vrai et c'est tout aussi agréable que d'être dans le métro qui te conduit au rendez-vous. Alors pour poursuivre notre exploration souterraine du chemin de fer métropolitain, après avoir survolé les figures marquantes que tu peux y rencontrer, nous nous proposons de faire maintenant un trajet dans le métro avec toi. Imaginons que tu aies rendez-vous avec une belle personne, je ne sais pas moi, au métro Javel par exemple, tout près du Mangin Palace. Imaginons aussi que tu partes de la gare de Lyon, il faut bien partir de quelque part. Avant d'entrer dans le métro, jette un œil à l'entourage des escaliers de la station. C'est une œuvre de l'architecte Hector Guimard, le créateur des célèbres entrées du métro parisien. En 1900, le choix de Guimard pour la réalisation des entrées du métro, c'est l'heure de la gloire de l'art nouveau, appelé également style métro, mais surnommé aussi par ses détracteurs. Alléluia, alléluia, nouille d'or, nouille d'argent. Alléluia, alléluia, nouille de fer ou diamant. Alléluia, alléluia, nouille en plâtre ou en ciment. Alléluia, alléluia, alléluia. Alors voilà. Tu vas à ton rendez-vous, l'esprit badin, et tu descends les quelques marches qui te conduisent au guichet où tu prends un ticket violet et un journal gratuit. Tu passes le tourniquet en pensant qu'il n'y a pas si longtemps, ça aurait été un poinçonneur. Tu redescends quelques marches et tu arrives sur le quai. C'est sûr, ce qui marque le plus dans le métro aux heures de pointe, c'est... Le bruit et l'odeur, le bruit et l'odeur, le bruit du marteau-piqueur. Le bruit et l'odeur, le bruit et l'odeur, le bruit du marteau-piqueur. Le bruit et l'odeur, le bruit et l'odeur. Le bruit et l'odeur, le bruit et l'odeur, le bruit du marteau-piqueur. Effectivement, dans le métro, il y a des bruits et des odeurs qui ne cadrent pas avec notre volonté d'un monde silencieux et aseptisé. Mais toi, tu t'en fous, tu as rendez-vous dans une demi-heure à la station Javel avec une belle personne et rien ne peut perturber ta joie, même pas la foule des gens qui grouillent autour de toi. Le métro est souvent comparé à une fourmilière et ce n'est pas faux. Dans le métro se succèdent des tunnels, des quais, des couloirs, des escaliers et... Des escaliers mécaniques, portillons automatiques, couloirs de correspondance, hors de pointe et d'affluence, fourmilières en mosaïque, labyrinthe fantastique, et toujours en courant, des gens qui vont et qui viennent, et encore en courant, les mêmes gens qui reviennent. Le train arrive enfin. Puisqu'il y a du monde, tu rames un peu pour monter dans le wagon. Le signal sonore t'annonce la fermeture des portes. Si tu es un lapin rose avec un pyjama jaune, ne mets pas tes mains sur les portes, tu risques de te faire pincer très fort. Bon, te voilà tranquillement installé sur un strapontin, tu regardes les stations défiler. Ils se connurent au métro la Trinité. Elle comme vertu, on pouvait la citer. Elle avait de beaux yeux et un si bel air que le jeune homme se sentit tout à l'envers. Il lui fit la cour en termes choisis. Il offrit son cœur, elle dit non, merci. Puis comme il offrait une bouille à Bess, elle lui dit froidement, monsieur, vous, Barbès, Barbès, ce soir. Oh l'amour, oh le métro, c'est des choses qui vont très vite. Oh le métro, oh l'amour, mais qui ne dure pas toujours. Les stations défilent et tu es plongé dans la lecture de ton journal gratuit quand, tout à coup, à la station Châtelet, deux individus entrent dans le wagon. Vont-ils te chanter une jolie chanson de leur pays ou te vendre un journal pour les sans-abri? Tu lèves la tête et tu écoutes. Bonjour mesdames, bonjour messieurs, excusez-nous de vous importuner. Non, nous ne sommes pas des violeurs, non, nous ne sommes pas des voleurs. Nous ne vous demandons pas l'aumône. Nous ne faisons pas la quête, mais juste à vous demander un franc ou deux afin de nous acquitter du montant de notre titre de transport. Désespéré, atteint d'une cécité totale de l'épaule droite, j'ai voulu mettre fin à ma vie ainsi qu'à celle de toute ma famille. Seul survivant de cette boucherie, condamné à mort par contumace, persécuté par l'alcool, recherché par un certain Interpol, je viens crier mon innocence. Ne vous rendez pas complice par votre indifférence du malheureux d'homme qui ne demande qu'à... Travailler dans l'honnêteté et la sobriété. Aidez-nous à payer notre dette à la société. Ancien employé des établissements Guyot, fruits frais, fruits des bois. Licencié au bout de 48 heures pour un banal de braquage et une banale prise d'otage. Ayant entraîné la mort accidentelle de plus d'une centaine de personnes. Je fus mis sur le banc de la société et par voie de conséquence atteint d'une paralysie nerveuse de l'index droit. Non, nous ne sommes pas des violeurs. Non, nous ne sommes pas des voleurs. En tout cas, pas en ce qui me concerne. Mesdames et messieurs, afin de vous échapper de votre grisaille du quotidien, nous allons vous interpréter une chansonnette. Salut, c'est moi, Tintin. Salut, c'est moi, Milou. Quand c'est pas bien. Quand c'est pas beau. C'est Tintin et Milou. Merci, monsieur Dame. Merci bien. Merci, monsieur Dame. Merci, merci bien. Merci, monsieur Dame. T'as la petite dame qui veut donner. Oui, c'est un monsieur. Merci, monsieur. Merci bien. Merci bien. Vous n'avez pas de monnaie, mademoiselle. Ce n'est pas grave, mademoiselle. Votre sourire est une nourriture. Bon, face à la beauté de cette chanson, tu décides de donner un petit quelque chose, un sourire. C'est pas cher et ça fait toujours plaisir. Le voyage continue, les stations défilent et tu t'approches de la belle personne. Tu admires les faïences du métro si typique et si à la mode dans les appartements aujourd'hui pour les salles de bain ou la cuisine. C'est bizarre, qui aimerait cuisiner ou se laver dans le métro ? Bref, voilà, tu arrives à la station Javel, là où tu dois retrouver la belle personne. Ton cœur bat un peu plus fort, tu descends du train, quand soudain, tu croises un regard connu venu du passé. Et oui, le métro brasse une telle population que tu peux y rencontrer des gens que tu avais cru oublier, une ancienne belle personne que tu avais connue, qui te reconnaît et qui te sourit, tu ne sais plus quoi dire. Je n'aurais jamais cru qu'on se rencontrerait. Le hasard est curieux. Il provoque les choses et le destin pressé un instant prend la pose. Non, je n'ai rien oublié. La sonnerie retentit, vous vous dites au revoir, la belle personne monte dans le train, tu restes sur le quai. Le train s'en va, tu sors du métro à la station Javel. Après avoir franchi les escaliers, ornés par Guimard, tu arrives dans la rue. Sur le pont, par-dessus la Seine, tu vois passer le train qui emporte de vieux souvenirs, miracle sans nom. Miracle sans nom, à la station Javel, on voit le métro qui sort de son tunnel, grisé de soleil, de chansons et de fleurs. Il court vers le bois, il court à toute vapeur, et il y a de la joie. La tour Eiffel part en balade comme une folle. Elle saute la Seine à pieds joints, puis elle dit: tant pis pour moi si je suis malade, je m'embêtais toute seule dans mon coin. Et il y a de la joie. Bonjour, bonjour les hirondelles, il y a de la joie. dans le ciel par-dessus le toit, il y a de la joie. Et du soleil dans les ruelles, il y a de la joie. Partout, il y a de la joie. Il y a de la joie dans le métro, malgré l'image un peu terne et sinistre du lieu. Te voilà arrivé à destination, fin du trajet. Tu sors du métro un peu chamboulé par la rencontre que tu viens d'y faire. La belle personne avec qui tu as rendez-vous doit t'attendre. Peu importe, tu ne sais plus trop où tu es, mais tu y es bien. Et après avoir erré dans le métro, tu préfères pour un moment marcher dans la ville. C'est l'hiver. Dans la ville, Montréal en hiver, se rend solitaire. Pas un sou en poche, que des cigarettes, les refrains s'empilent dans ma tête. C'est le bonheur qu'on gère en silence. Tout est clair quand j'y pense. J'en oublie mes romances, mes amours, mes humeurs, mes absences. Je croise des passantes anonymes, j'aimerais bien les toucher, mais je ne saurais quoi leur dire. Je préfère les fuir. C'est le bonheur quand j'erre en silence. Gère, chanson interprétée par Dumas sur son album intitulé Le cours des jours, parce qu'il arrive aussi que le métro soit le lieu d'errance des âmes en peine. Alors pour poursuivre notre exploration au cœur du métropolitain, il est temps maintenant à 11h43 de retrouver nos deux héros underground et néanmoins populaires, les facétieux Monique et Jean-Claude. Il faut savoir que l'an passé, ils sont allés fêter Noël à Saint-Raphaël chez les parents du Jean-Claude. Un voyage compliqué qu'on va te raconter. Donc Monique et Jean-Claude doivent prendre le train avec un voyage en deux temps puisqu'il faut changer de gare à Paris. De Montparnasse, il faut rejoindre la gare de Lyon en 1h30. Monique, un peu inquiète, veut absolument prendre un taxi. Mais Jean-Claude, lui, toujours un peu radin, décide qu'ils prendront le métro tous les deux, un point c'est tout. Jean-Claude n'est pas un froussard et en plus, il a déjà pris le métro il y a 20 ans pendant son service militaire. Les voilà donc tous les deux chargés comme des mules dans les couloirs du métro de la gare Montparnasse. Jean-Claude a repéré qu'il fallait prendre la ligne 4 direction Porte de Clignancourt, puis changer à Châtelet ligne 1 direction Château de Vincennes. Cela dit, il veut tout de même s'assurer qu'il ne s'est pas trompé, vu qu'ils n'ont qu'1h30 pour changer de gare. Et du coup, Jean-Claude interpelle un passant pour confirmation. L'homme semble pressé et lui répond. Chacun sa route, chacun son chemin, chacun son rêve, chacun son destin, déclare que chacun sa route, chacun son chemin, passe le message à ton voisin, ton message, passe le message à ton voisin. Jean-Claude reconnaît bien là le mépris parisien pour la province. Mais bon, il est convaincu d'avoir trouvé le chemin le plus court pour se rendre à la gare de Lyon et s'engouffre donc avec Monique dans un wagon de la ligne 4 direction Clignancourt. Il est 7h30 du matin, c'est l'heure de pointe et bien sûr, à cette heure-là, l'ambiance est plutôt... Monique sent bien quelques mains baladeuses, mais ne dit rien pensant que c'est la coutume. Ils sont en effet entassés comme des sardines dans ce wagon et Monique, qui parle fort, dit à Jean-Claude qu'elle trouve cela curieux, tous ces gens rassemblés, mais qui ne se disent pas un mot. C'est alors qu'un inconnu lui offre la réponse. À 7h05 tous les matins, Nicole et moi, on prend le métro. Comme on dort encore, on ne se dit rien. Et chacun s'en va vers ses travaux. Monique dit merci timidement quand arrive la station Saint-Michel où beaucoup de monde descend pour choper la correspondance du RER B. Jean-Claude et Monique vont même pouvoir s'asseoir tranquillement dans un espace pour 4 personnes. Mais Monique, elle, ne se sent toujours pas très à l'aise. Jean-Claude le constate, l'interroge et Monique lui répond. Jean-Claude tente de la rassurer quand tout à coup, deux lascars, qui avaient repéré le malaise de Monique, viennent s'asseoir en face d'eux et s'amusent à charrier notre Monique terrifiée. Ils attaquent direct. Oh, j'aime tes genoux, ça j'adore tes genoux. Ah oui, j'aime tes genoux, le reste je m'en fous. Jean-Claude, excédé par cette agression verbale, n'a pas l'intention de laisser passer cet affront et réagit immédiatement à cette situation détestable. Vous me dites donc pas de familiarité, voulez-vous ? Pas de familiarité ! Écoutez-moi le con, écoutez-moi la paix, hey ! Heureusement, tout rentre dans l'ordre très vite, puisqu'à la station suivante, les deux lascars quittent la rame, morts de rire. Jean-Claude, lui, préfère laisser courir. Monique est choquée par le manque de réaction des gens qui étaient autour d'eux. Le métro s'apprête à repartir quand une annonce retentit dans la station. Monique et Jean-Claude vérifient machinalement si leur portefeuille est toujours là. C'est alors que Jean-Claude remarque un type bizarre, juste derrière eux, qui semble lorgner sur leur sac. Jean-Claude dévisage le type d'un air belliqueux pour bien lui faire comprendre que s'il bouge d'un iota, il lui défonce la tête. Le type, qui n'est pas un pickpocket, n'a pas l'intention de se faire suspecter par un gugus de province et interpelle Jean-Claude. Toi, ma gueule, qu'est-ce qu'elle a ma gueule ? Monique est de plus en plus mal, elle a peur, elle veut sortir et c'est tant mieux puisqu'ils arrivent enfin à la station Châtelet et qu'il faut descendre pour la correspondance. Jean-Claude, très énervé par ces deux altercations, se plante dans son changement et ne prend pas la ligne 1 comme prévu mais la ligne 11 direction Porte des Lilas. Ils mettent du temps à s'en apercevoir et quand ils voient la station République défiler, ils comprennent alors leur erreur. Catastrophe, le temps passe, il ne faut pas rater ce train Gare de Lyon puisqu'ils ont des billets séjour découverte non remboursables. Ils courent pour changer de quai et récupérer le métro dans l'autre sens. Mais la speakerine annonce un incident technique sur la voie. Épuisé et désespéré, Jean-Claude s'allonge. Sur le banc 21, métro République. Monique est très émue par cette déclaration faite par Jean-Claude à la station République. Finalement, au bout d'un quart d'heure, le métro finit par arriver. Mais c'est sûr, désormais, Monique et Jean-Claude n'auront pas leur train. Ils reprennent quand même la rame direction Châtelet. Jean-Claude est toujours très colère et à peine ont-ils démarré qu'un boucan du tonnerre retentit dans le wagon. Le métro parisien, moi je l'aime bien. C'est une bande de jeunes qui jouent dans le métro pour se faire un peu de beurre. Et Jean-Claude, il les trouve sympas. Ça lui redonne un peu le sourire. Malgré son côté pingre, il leur file quand même quelques piécettes. Allez, 30 centimes d'euros. Du coup, Monique, elle aussi, est un peu plus détendue. Ils arrivent enfin à Gare de Lyon. Ils vont pouvoir sortir de ce tunnel infernal. Il y a un monde fou dans les couloirs qui conduisent à la sortie. Mais Monique, elle, maintenant, elle s'en fout. Emportée par la foule qui nous entraîne, écrasés l'un contre l'autre, nous ne formons qu'un seul corps. et le flot sans effort nous pousse enchaîner l'un et l'autre et nous laisse tous deux épanouis, enivrés et heureux. Entraînés par la foule qui s'élance et qui danse une folle farandole, nos deux mains restent soudées. Et parfois soulevés, nos deux corps enlacés s'envolent et retombent tous deux épanouis, enivrés et heureux. Après tout, enivrés et heureux, rien n'est grave. Ils prendront le train suivant, fin de l'histoire. Leur couple résiste à toutes les adversités et c'est tant mieux. Oh, you win, it's your show. So what's it gonna be? 'Cause people will tune in. How many train wrecks do we need to see before we lose touch? Oh, and we thought this was low. Well, it's bad, getting worse. So where'd all the good people go? I've been changing channels. I don't see them on the TV shows. Where'd all the good people go? Got heaps and heaps of what we sow. They got this and that with a rattle attack test and one, two, man, what you gonna do? Bad news, misused, got too much to lose. Give me some truth now, whose side are we on? Whatever you say, turn on the boob tube. I'm in the mood to obey, so lead me astray. And by the way now, where'd all the good people go? I've been changing channels, I don't see them on the TV shows. Where'd all the good people go? We got heaps and heaps of what we sow. Chanson interprétée par Jack Johnson sur son album Between Dreams, parce qu'il faut savoir qu'il y a pas mal de gens qui roupillent dans le métro et qui y font de beaux rêves. Nous voici donc arrivés au terme de notre voyage à bord du métropolitain. Du point sonneur des Lilas à Fulgence, bienvenue, des artistes dans le métro à Balladur dans le Tromé, des entrées de Guimard au trajet de Monique et Jean-Claude, nous t'avons dressé un panorama subjectif du chemin de fer souterrain. Le métro, c'est bien sûr avant tout un moyen de transport, mais c'est également un véritable lieu de mémoire qui appartient au patrimoine national et à la mémoire collective. C'est surtout un lieu de mixité et de rencontre. Par ailleurs, le métro est souvent associé au trajet quotidien entre le domicile et le boulot. Mais c'est également lui qui te conduit vers les grandes gares et de là... Allez hop, tout le monde à la campagne. Allez hop, le soleil nous attend. Tous les petits oiseaux nous accompagnent. On va se payer du bon temps. Allez hop, tout le monde à la campagne. Allez hop, faut pas rester ici. De la Côte d'Azur à la Bretagne, on sera bien mieux qu'à Paris. Il y a aussi un autre aspect du métro dont on ne t'a pas parlé, le nom des stations. Les stations, elles nous parlent de tout. De l'actu, par exemple. Avant-hier a eu lieu le tirage au sort des groupes de qualification pour la phase finale de la prochaine Coupe du Monde de football en Allemagne, en juin prochain. Alors, il nous en dirait quoi, le métro, de ce tirage au sort? Tout d'abord, il faut reconnaître que depuis un petit moment, la barre baisse pour ceux qui portent maillot bleu. Cela dit, heureusement que Zidane est revenu, on peut lui dire merci beaucoup, parce que face à la Corée du Sud, faut pas croire que le niveau de jeu sera équivalent à celui d'un match Strasbourg-Saint-Denis. Pour le Togo, c'est pareil, tout le monde pense qu'ils sont invalides alors qu'ils sont costauds comme du roc. En plus, on commence par la Suisse, et là, faudra de l'art et du métier. Le match aura lieu le 13 juin prochain à Stuttgart, qui ne devra pas être pour nous la place des fêtes. Bon, a priori, la défense devrait tenir, mais il ne faudrait pas que Domenech fasse son gambetta avec l'astrologie. Parmi les 11, souhaitons qu'il n'y ait pas 5 Placide, plus 5 Clou, plus 5 Gadet. Et si Thuram marquait à nouveau, ce serait d'enfer. Peut-être même qu'il danserait comme les Brésiliens, la Marcel Samba. En gros, il faut que les Bleus soient volontaires s'ils veulent triompher sur les Champs-Élysées, parce que, comme en 98, la coupe, faut qu'ils la portent dorée. Souvenir, souvenir, je vous retrouve en mon cœur, et vous faites rafleurir tous mes rêves de bonheur. Je me souviens des soirs de danse, joue contre joue, des rendez-vous de nos vacances, quand nous faisions les poux. Souvenir, souvenir, de nos beaux jours de l'été, lorsque nous partions cueillir mille fleurs, mille baisers. Et pour mieux garder dans ma tête les joies de la belle saison, souvenir, souvenir, il me reste nos chansons. Johnny se souvient pour nous, c'est une bonne nouvelle. Voilà, fin du 14e épisode, c'était « C'est quoi le métro ?» revu à travers le prisme de notre vaisseau spatio-temporel. L'équipage, toujours composé d'une bande de furieux, espère que tu as fait bon voyage et t'attend dès la semaine prochaine pour une nouvelle aventure intergalactique qui sera consacrée aux gangsters en tout genre. C'était Panique au Mangin Palace, ce Radio Mix a été coécrit les doigts dans la prise avec Xavier Mauduit, un allié précieux que nous sommes heureux d'avoir parmi nous. Au platine, au montage et à l'area, il y avait bien sûr Maître Yoda, le génial Henri-Marc Mutel, merci beaucoup Marco, assisté aujourd'hui de Julien Dumont et de Fabrice Desmas. Merci à vous deux. Pour la documentation, merci beaucoup à Mel Caldi. Pour les scuds, Thierry Dupin, merci beaucoup. Il me reste également à remercier Maud Lomnitz et Caroline Chausset, documentaliste à Lina Mangin. Et merci beaucoup aussi à Catherine Pinto, jeune stagiaire très efficace. Pour toutes les informations complémentaires, la panique au Mangin Palace procède d'un site internet sur franceinter.com. Après le flash, Patricia Martin pour son émission Philophile. Allez, portez-vous bien et surtout, surtout, ne lâchez rien. Ciao. Il y a le feu dans le studio, je continue.